La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, allons-nous bientôt manquer d'eau sur Terre? Une goutte d'eau suffit pour créer un monde, disait Gaston Bachelard. Soit, mais il en faudra beaucoup plus qu'une pour nourrir tout le monde. D'autant que les besoins en eau de l'humanité augmentent du fait de la croissance démographique et des modifications des régimes alimentaires, alors même que les ressources en eau sont affectées par le changement climatique. Qu'en sera-t-il donc en 2050 de l'équilibre entre l'offre et la demande en eau? Et pourra-t-on garantir cet équilibre en préservant l'environnement, en évitant les pénuries, les famines, les conflits et les migrations? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Guilain de Marcilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences et spécialiste internationalement reconnu en matière d'eau. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Internationalement reconnu, j'ai travaillé un peu à l'étranger, mais c'est quand même peut-être superfétatoire. Ah, mais j'ai lu ça dans une quatrième page d'un livre que vous avez écrit. Alors, j'avais été marqué, étudiant, plutôt lycéen, par une phrase que j'avais trouvée dans un écrit d'Hubert Reeves, je crois que c'était « La patience dans l'azur », livre paru, je crois, en 1976. Il avait écrit ceci: « À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. » Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas convaincu, parce que dans les planètes que nous appelons telluriques, c'est-à-dire comme la Terre, mais Vénus, Mercure et Mars, il y a très peu d'eau, ça c'est à fait vrai, il y a beaucoup plus de roches. Mais quand on s'écarte du Soleil et qu'on arrive dans les planètes dites joviennes, comme Jupiter, Saturne, etc., il y a beaucoup d'eau. Alors, à l'échelle de l'univers, puisque là il se place à l'échelle de l'univers, je suis incapable de répondre, de savoir s'il y a plus d'objets telluriques que d'objets joviens. Alors, est-ce que on sait établir de façon scientifiquement sûre d'où vient l'eau qui est présente sur Terre? Non. Nous avons des incertitudes sur l'origine précise de l'eau. Ce que nous savons, c'est que quand la Terre s'est formée autour du Soleil il y a 4,6 milliards d'années, la planète, initialement, était le rassemblement de petits objets qu'on appelle des planétésimaux, qui se sont entrés en collision, qui se sont fondus l'un l'autre et qui ont fait une énorme boule de feu qui était la Terre. Et là, il y avait beaucoup de roches et peu ou pratiquement pas d'eau. Ça, on sait. Donc l'eau, tout le monde dit, personne n'était là pour voir, hein, mais tout le monde dit qu'elle est venue après, donc après la formation de la Terre, c'est ce que tout le monde pensait. Alors, où est-ce qu'on voit venir de l'eau? Eh ben, il y a toutes les comètes. Les comètes, c'est des boules de glace. Hein. Donc, tout le monde a dit au début, eh ben, l'eau de la Terre, elle est venue de la chute de comètes. Alors, on disait que c'était peut-être plutôt pendant les 300 premiers millions d'années de la création de la Terre que l'eau est arrivée par les comètes. Et puis, ça a été remis en cause assez récemment par des expériences qui ont été faites par le Centre National d'Études Spatiales et l'Agence Européenne d'Astronomie, qui a consisté à examiner la nature de l'eau d'une comète. Vous parlez de la mission Rosetta. Je parle de la mission Rosetta, qui est une mission qui a été mise en place par le CNES et l'Agence Européenne de l'Espace, et qui a consisté à envoyer un module qu'on a appelé Rosetta, tourner autour de la comète Chury, et puis au dernier moment, d'envoyer sur Chury un objet qui s'appelle Philae. Philae, oui, merci de m'en rappeler. Philae, qui a atterri sur la comète pour aller ausculter un peu la nature de la glace. Alors, il a eu du mal, il est tombé, il a rebondi, et puis finalement, il a réussi à se coincer dans une anfractuosité de la glace. Mais dans une position qui n'était pas idéale. Il devait être vertical sur la surface de la comète. En fait, il était couché. Enfin, l'essentiel de la mission a pu avoir lieu, des résultats passionnants pour 36 domaines en particulier. Qu'est-ce que vous avez pris de plus intéressant? Le plus intéressant pour moi, c'est la teneur en deutérium de l'eau de la comète. Deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Il y a l'hydrogène naturel, qui est 1. Il y a l'hydrogène lourd, qui est le deutérium. Et puis, il y a l'hydrogène radioactif, qui est le tritium. Et le deutérium est une signature de l'eau. En ce sens que on connaît toute l'eau de la planète à peu de choses près. Et elle évolue avec une certaine teneur en deutérium qui est constante. Et puis, on avait déjà vu que certains objets venant de l'espace avaient des teneurs en deutérium dans le peu d'eau qu'ils contenaient, qui étaient plus élevées que celui de la Terre. Donc, sur Chury, c'est ce qui s'est confirmé. On a vu que la teneur en deutérium de la comète Chury est deux fois supérieure à peu près à la teneur en deutérium de l'eau de la planète. Alors, il y a eu une première estimation qui avait été faite par les Américains par une sonde qui s'appelait Giotto il y a une dizaine d'années, qui n'avait pas posé d'objet sur la comète, c'était la comète de Halley. Ils avaient simplement échantillonné la vapeur d'eau qui sortait de la comète qui était en train de fondre. Et ils avaient trouvé le même résultat. Alors, il doit y avoir plusieurs dizaines de milliards de comètes qui circulent autour du Soleil dans le qu'on appelle le réservoir de comètes ou d'autres nuages lointains. On a deux résultats sur deux comètes. Est-ce que c'est suffisant pour exclure... Est-ce qu'on a le droit d'extrapoler ou pas ? Ben non, justement. Donc il faudrait au moins une troisième mesure pour avoir plus de chances que de ne pas se tromper, et peut-être une explication de d'où vient l'eau si elle vient pas des comètes. Enfin, on peut au moins conclure que la teneur en deutérium de l'eau qui est sur Terre n'est pas égale à celle qu'on trouve dans certains objets qui ne sont pas sur Terre. Voilà. Mais en revanche, non, on peut trouver des météorites, plutôt des météorites pierreuses ou ferreuses, qui contiennent du fer, qui, elles, contiennent de l'eau, hein, et qui, elles, a la bonne teneur en isotope de l'hydrogène. La bonne, c'est-à-dire celle qu'on trouve sur Terre. Voilà. Alors, oui. Comment est-ce que vous sortez de cette contradiction, enfin, cette bizarrerie, montrant que la teneur en deutérium de l'eau n'est pas la même partout dans l'univers? Ben, les teneurs isotopiques, dans quelque élément que ce soit, sont toujours influencés par des mécanismes physiques, qui peuvent être par exemple l'évaporation, la fusion, la liquéfaction, etc. Et si on a une cascade de mécanismes physiques qui vient affecter un objet contenant de l'eau, la teneur deutérium de l'eau de cet objet va évoluer. Donc il faut essayer de reconstruire l'histoire de l'objet et comment est-ce que l'eau qu'il contient a été modifiée par exemple, l'évaporation, la condensation, le gel, etc., qui aurait pu modifier la teneur en isotope. Mais est-ce qu'on a le droit de conclure de ce que vous dites, Guylaine Marsili, que l'eau qui est sur Terre ne vient que pour partie des comètes? C'est un peu prématuré, mais c'est ce que les astrophysiciens concluent aujourd'hui. Ils disent... Nous avons deux exemples qui montrent que l'eau des comètes n'a pas la bonne signature, donc ça doit venir d'autre chose, et maintenant on cherche un peu à trouver les bons objets. Je vous ai parlé des comètes pierreuses ou des comètes qui contiennent du fer. C'est une hypothèse, ça demande à être confirmé. Alors Guylaine Marsili, je répète votre nom parce que j'ai trouvé dans de vieilles archives un texte qui a été publié en 1725 à Amsterdam d'un monsieur qui s'appelait Louis Ferdinand Comte de Marsili, comme vous, et qui a publié un texte qu'il a intitulé « Histoire physique de la mer ». Donc il s'intéresse déjà à l'eau, comme vous. Est-ce que c'est une affaire de famille ? Alors écoutez, c'est effectivement la famille, on dit, au moins dans les traditions familiales, que... C'est un Italien. Marsili est écrit avec un I, alors que vous, c'est un Y. Mais oui, mais ce monsieur, je vais vous raconter un peu son histoire, ce monsieur a eu une carrière de militaire au départ, et il était chargé par l'Italie de défendre contre les Autrichiens au nord. Et malheureusement, il était chef ou responsable de la sécurité d'une place forte, et la place forte a été conquise par les Autrichiens, donc il a été dégradé, et il a été, on dit dans la famille qu'on lui a cassé son épée sur le dos. Vous dites dans la famille, ça veut dire qu'il fait partie de la famille. Oui, mais comme il n'est pas de descendant, c'est pas directement un ancêtre, hein, c'est probablement un oncle ou un oncle éloigné. Alors, se trouvant privé de toute activité militaire, il a été prisonnier par les Turcs, il a fait pas mal de choses. Puis finalement, il s'est dit, je vais faire science. Donc, il est devenu le spécialiste des sciences de la nature à l'université de Bologne, qu'il a en partie créé. Et alors, le livre de 1725 que vous citez, en fait, c'est le résultat. Il a été nommé membre de l'Académie des sciences de Paris. Donc, il était membre italien de l'Académie des sciences française. Et il s'est intéressé, justement, au cycle de l'eau, nous en avons peut-être parlé tout à l'heure, qui est de savoir comment fonctionne le système hydrologique. La question de l'époque, il est très simple. On voit un peu de pluie qui tombe sur la surface de la Terre. Bon, ça ruisselle, il y a de l'eau dans les égouts, il y a de l'eau dans les ruisseaux, et ça arrive dans les rivières, et ça coule. Tout le monde comprend. Il ne pleut pas pendant 8 jours. Bon, il y a encore un peu d'eau. Il ne pleut pas pendant 1 mois. Pendant 6 mois, les rivières coulent toujours. Comment on explique ça ? Puis il y a une deuxième observation qui est aussi grave que la précédente. Toutes les rivières de la Terre se jettent dans la mer. Le niveau de la mer ne monte pas. Qu'est-ce qui se passe ? Donc quelqu'un, c'était du temps des Grecs, hein, c'est les philosophes grecs, ils ont dit, c'est très simple, l'eau qui arrive dans la mer se réinfiltre dans les plages et rentre dans la Terre, et puis là, dans la Terre, elle chemine par ce qu'on appelait des veines, et elle remonte dans les sources. Donc les sources sont alimentées par la mer qui s'infiltre dans la terre. C'était ça le cycle de l'eau qu'on appelle le cycle perdescensum, qui est intelligent si on y pense, parce qu'on explique deux trucs inexplicables en disant que l'un est responsable de l'autre. Enfin, il faut quand même expliquer que l'eau remonte vers la source. Oui, et puis il y a non seulement ça, et puis aussi que l'eau qui remonte, elle est douce, alors que l'eau de mer est salée. Donc il y a un petit problème, savoir ce qu'on se fait. Alors, l'histoire de l'eau qui remonte, la notion d'énergie, le fait qu'une énergie, disons, gravitationnelle est importante, n'était pas très conscient dans l'esprit des Grecs à l'époque de Socrate et de Platon. En revanche, la salinité, oui. Alors, je reviens à mon ancêtre, enfin pas mon ancêtre, mais le membre de la famille le plus fameux, il s'est dit, on va faire une expérience, on est en 1700, dans les débuts du siècle des Lumières, il va dire, si l'eau qui rentre de la mer dans la terre se dessale, c'est que le sable filtre le sel et laisse passer l'eau. Donc il a fait une expérience qui a été publiée dans un bouquin, celui que vous avez regardé, qui s'appelle « Histoire physique de la mer ». Il a fait une expérience dans laquelle il a versé de l'eau salée sur des pots de fleurs dans lesquels il a émis du sable, et il a regardé si, oui ou non, la salinité de l'eau diminuait. Alors, la phrase de conclusion est exprimée de façon un peu incompréhensible, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a mesuré la densité de l'eau. Donc, il a mesuré le poids dans des unités de l'époque qui étaient assez incompréhensibles, en drachmes et en Dieu sait quoi. Il y a des onces aussi. Et des onces, oui. Donc, je ne sais pas la conversion entre ces unités-là. Je ne peux pas vous aider non plus. Le kilo ou le litre. Mais en tout cas, il est arrivé à la conclusion que l'eau qui avait passé à travers le filtre du sable était plus légère, moins dense que l'eau salée. Donc il en conclut, eh bien ceci prouve parfaitement que la théorie des Grecs est absolument exacte, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre bien de la mer et remonte dans les sources. Donc conclusion complètement fausse, qui a été présentée à l'Académie des sciences ici, Royale des sciences à Paris, et a reçu les applaudissements de la foule, bien que ce soit une ânerie. Alors ce qui est amusant, si vous me permettez, c'est que c'est un peu plus tard, dans les années 1750 à peu près, que le vrai cycle de l'eau a été établi par, d'une part, un Français qui s'appelle Perrault. Et Perrault, il a regardé le débit de la Seine à son estuaire et il a comparé ça à la quantité d'eau de pluie qui tombait sur le bassin de la Seine pendant un an. Et il a trouvé qu'il pleuvait beaucoup plus que qu'il s'écoulait dans la Seine. Donc il n'était pas la peine de faire venir de l'eau par en dessous, par la mer. Il suffisait de dire c'est l'eau de pluie qui s'infiltre, qui se stocke et qui ressort à l'autre bout. Alors celui qui a montré que pourquoi le niveau des mers ne monte pas, c'est Halley. Halley, le physicien anglais, qui a découvert la comète de Halley. Qui porte son nom, donc. Qui porte son nom, oui. Alors lui, il a fait une expérience qui consiste à mesurer combien d'eau s'évapore dans un bac si on la pose sur la plage à côté de la mer Méditerranée, pour être dans les mêmes conditions climatiques, et voir au bout d'un an, alors il fallait pas qu'il pleuve dans son bac, sinon ça aurait tout triché, il protégeait son bac contre la pluie, et puis il mesurait la salinité, et tous les jours, il rajoutait de l'eau pour maintenir le bac constant. Et il a montré que, en fait, la somme du débit des fleuves qui arrivent en Méditerranée, le Rhône, le Danube, le Nil, etc., les grands fleuves, est très inférieure à la quantité d'eau qui s'évapore chaque année à la surface de la Méditerranée, ce qui explique que, ce qu'on ne savait pas à l'époque, que, en fait, l'océan Atlantique à Gibraltar pénètre à l'intérieur de la Méditerranée et vient amener l'eau qui ne serait pas suffisante si on ne se basait que sur les fleuves. Donc c'est l'Atlantique qui remplit la Méditerranée. Chaque année. Enfin, qui permet qu'elle se maintienne, en tout cas. Voilà. Mais il y a un petit problème, c'est que si c'était ça seulement, comme l'Atlantique est quand même salée, et qu'elle s'accumule, cette eau salée, dans la Méditerranée, la Méditerranée va être une mer morte, avec que du sel. Or, c'est pas le cas. Donc, ce qui se passe à Gibraltar est assez intéressant, c'est que, en surface, il y a un courant d'eau atlantique qui entre, et en profondeur, à Gibraltar, il y a un flux d'eau plus salée, plus lourde, méditerranéenne, qui ressort de l'Atlantique. Si bien que la salinité de la mer Méditerranée est assez constante. Et puisqu'il y a une force que vous connaissez tous, qui s'appelle la force de Coriolis, l'interface entre l'eau douce et l'eau salée à Gibraltar est inclinée. Elle n'est pas plate. Ce qui, il faut connaître Coriolis. Il faut connaître Coriolis pour comprendre ça. Mais ça peut donner lieu à des expériences intéressantes. Alors, quelle est la bonne façon moderne, disons, de dire le cycle de l'eau à l'échelle globale? Alors le cycle de l'eau aujourd'hui, c'est bien évidemment, ce n'est plus le cycle des Grecs qu'on appelait Père des Saint-Sommes, c'est ce qu'on appelle le cycle Père à Saint-Sommes. C'est ce cycle l'inverse. L'inverse, ça monte. Mmh. C'est le cycle que vous connaissez tous, qui est que l'eau s'évapore sur les océans, bien sûr, mais aussi sur la Terre, quand la Terre reçoit la pluie, ensuite elle s'évapore en partie. Et donc, c'est le cycle de l'eau qui passe par évaporation, condensation au niveau des nuages. L'eau dans les nuages n'y reste qu'environ 8 à 9 jours. Donc il y a en fait un stock d'eau dans l'atmosphère extrêmement petit. Hein. Et ceci est quand même assez inquiétant, dans la mesure où si pour une raison ou une autre, l'évaporation cesse parce que le soleil est obscurci, et ça arrive par exemple dans les grandes éruptions volcaniques où l'atmosphère devient complètement sombre et le soleil ne passe plus, donc l'eau ne s'évapore pas, en 8 jours, il ne pleut plus. La planète est soumise au fait que avec des grandes éruptions volcaniques ou des grandes, ce qu'on a appelé à un moment donné, le risque de l'hiver nucléaire. Hein, s'il y avait eu une guerre atomique épouvantable avec mise de poussière dans l'atmosphère partout, eh bien l'atmosphère aurait été imperméable aux rayons du soleil et la Terre serait morte de soif. C'est ce qui s'est passé il y a à peu près 65 millions d'années quand les dinosaures ont été éteints. Ils ont été éteints par un gros astéroïde qui est tombé au Mexique et qui a envoyé une quantité phénoménale de poussière dans l'atmosphère. Le cycle de l'eau s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'évaporation et les dinosaures sont morts de faim. Il n'y avait plus rien à manger. Donc ça nous menace si un jour il y a une nouvelle astéroïde qui vient ou une éruption fondamentale beaucoup plus importante que les précédentes. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors on va revenir à cette question, est-ce qu'on va manquer d'eau? Est-ce qu'il y aura des problèmes relatif à son cycle pour le futur de l'humanité. Mais avant, je voulais vous poser des questions sur Éric Orsenna. Il est membre de l'Académie française, vous êtes membre de l'Académie des sciences. Oui. Et je crois savoir que vous êtes tous les deux intéressés par la question de l'eau. Alors, quels sont les problèmes que vous étudiez ensemble? Alors, j'aime beaucoup Éric Orsenna. J'ai découvert ce qu'il avait écrit sur l'eau, qui est dans un livre fantastique qu'il a écrit il y a environ une dizaine d'années. Et donc, Orsenna, quand il veut étudier un problème, il se balade. Il va voir à droite, il va voir à gauche, il rencontre des gens et il écrit ce qu'il a observé. Donc, c'est passionnant à lire et je vous recommande de lire le livre sur l'eau d'Orsenna. Alors, actuellement, nous travaillons ensemble dans le cadre d'une organisation qu'il a créée qui s'appelle l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, l'IAGF, qui est soutenue par la Compagnie nationale du Rhône et qui se pose la question, finalement, l'humanité gère mal ses fleuves. On a une ressource qui est importante aussi bien pour alimenter en eau les populations, pour produire de l'énergie, pour faire de la navigation, pour entretenir des écosystèmes, etc. Et personne ne s'intéresse véritablement à l'avenir des grands fleuves. Donc le groupe qu'a constitué Orsenna autour de lui, qui comprend une quinzaine de personnes de différents pays, d'Amérique du Sud, de Chine, du Bangladesh, bien sûr d'Europe, d'Amérique, etc., du Québec, d'Australie, essaye de d'abord comprendre comment les gens dans chacun de ces pays gèrent leurs fleuves, les entretiennent ou les protègent, et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire là où ça va pas pour que ça se généralise et qu'on donne de bonnes initiatives pour protéger nos fleuves. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons ensemble aujourd'hui. Alors j'ai cru comprendre que l'eau a des couleurs différentes. Dans vos écrits, vous parlez de l'eau bleue et vous parlez également de l'eau verte. Qu'est-ce qui les distingue? Alors, qu'est-ce qui les distingue? Il est très important de bien comprendre cette différence. C'est un terme assez récent. Hein. Quand j'ai fait mes études, il y a longtemps, on parlait absolument pas d'eau. Il y avait d'eau verte ou d'eau bleue. On ne parlait que de l'eau, c'est tout court. En fait, c'est une distinction très importante. Quand vous avez de l'eau qui tombe à la surface du sol, bien une partie de l'eau, vous le voyez, finalement, elle s'imbibe à l'intérieur de la Terre et elle est retenue par le milieu souterrain, par le milieu poreux, un peu comme le buvard retient de l'eau. Hein. Alors, cette eau-là, on l'appelle l'eau verte. Pourquoi? Parce que finalement, une fois qu'elle est dans le sol, elle est immobilisée par la capillarité, par les phénomènes buvards dont je viens de parler, mais les seuls objets ou êtres qui peuvent l'utiliser, c'est les plantes. Parce que les petites racines des plantes, ce qu'on appelle les radicelles, sont capables d'extraire du sol poreux l'eau qu'elle contient par des phénomènes d'osmose. Donc, elle extrait l'eau. Donc, verte, parce qu'elle est absorbée par les plantes. C'est ça. C'est, si vous voulez, pour être plus bref, je pourrais dire que tout ce qui est l'agriculture pluviale, l'agriculture dans laquelle on n'irrigue pas, hein, eh bien, elle vit et elle fonctionne parce que on vit sur l'eau verte, qui est l'eau de pluie qui est tombée, qui a été stockée provisoirement dans le sol et que les plantes sont capables de reprendre. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on pourrait aussi l'appeler l'eau invisible? Elle est là sous terre, on la voit pas, mais elle agit indirectement dans la croissance des plantes. Je ne veux pas vous faire de peine, on pourrait dire ça, mais on la voit quand même quand elle arrive. Quand elle tombe, on voit les gouttes d'eau. Hein. Oui, mais elle disparaît. Elle disparaît. De la vue. Elle disparaît de la vue une fois qu'elle est dans le sol, oui, c'est vrai. Donc on pourrait l'appeler l'eau invisible. Bon, appelons-la l'eau verte. Là, on l'appelle l'eau verte. Alors l'eau bleue, par définition, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est celle que l'on voit. Donc par rapport à invisible, ce serait l'eau visible. C'est celle qui, elle, ne s'infiltre pas parce qu'il y en a trop, et elle ruisselle, c'est-à-dire elle coule à la surface du sol, elle s'accumule dans les ruisseaux, dans les nappes, et elle coule finalement dans les rivières et elle revient à la mer. Donc ça, c'est l'eau bleue, et c'est les eaux, c'est l'eau des ingénieurs, c'est celle qu'on va essayer d'utiliser, c'est avec celle que nous allons boire, hein, toute l'eau que nous buvons, que nous consommons pour ce qu'on appelle l'eau domestique, l'eau de toilette, etc., eh ben, c'est pompé soit dans des rivières, soit dans des nappes souterraines, c'est-à-dire des eaux qui se sont infiltrées plus bas que le sol et qui se sont accumulées dans des aquifères, c'est-à-dire des roches poreuses, en gros. Alors, c'est intéressant de regarder quelques ordres de grandeur. Guylaine Marsili, par exemple, le flux des précipitations continentales, c'est de 113 000 km3 par an, ce qui représente 1270 fois le volume du lac Léman qui tomberait donc sur la surface de la Terre. Oui, c'est des chiffres assez incroyables, c'est énorme. Le cycle de l'eau, ça fait jouer des quantités phénoménales d'eau. Hein. Comment est-ce qu'on mesure ça? Est-ce que ça se mesure facilement ou est-ce que c'est des... Oui, ça se mesure assez facilement. Il suffit de mettre des instruments qu'on appelle des pluviomètres. Et pluviomètre, c'est un seau à peu près de la taille d'un seau, un peu conique comme ça. Et bon, chaque fois qu'il pleut, on vient vider le seau et on mesure combien d'eau il est tombé. On rapporte ça à la surface ouverte du cône que constitue le pluviomètre. Et on a l'épaisseur d'eau qui est tombée à cet endroit-là. Hein. Donc il faut le faire les mesures tous les jours ou plusieurs fois par jour, et l'étendre sur toute l'année, et puis ensuite extrapoler en disant, ben, on a deux pluviomètres, disons, à 20 km l'un de l'autre, ben, on va extrapoler un petit peu ce qui se passe entre les deux. Quoi. Mais dans l'un de vos articles, Guylaine Marsili, vous dites que les informations sur l'eau sont insuffisantes dans de nombreuses régions, en raison du déclin des réseaux de mesure. C'est malheureusement le cas. Hein. Souvent, on a tendance à dire que les mesures sont de plus en plus importantes, de mieux en mieux organisées, recensées. Et vous dites qu'en la matière, il y a plutôt un déclin. C'est-à-dire que dans les pays développés, qui ont les moyens, les services hydrométriques ou les services météorologiques font ce travail. Et on a donc toutes les mesures dans les pays riches, pour se dire simple, hein, les pays de l'OCDE. On en a aussi quand même en ce qui c'était autrefois l'Union soviétique, hein, la Russie et les États associés. On en a malheureusement de moins en moins dans les pays en développement, pour la bonne raison que c'est effectivement coûteux et que ce n'est pas nécessairement la première priorité de ces pays que de faire de la mesure météorologique pour mesurer les pluies. Alors heureusement, on essaye de pallier aujourd'hui ce manque de données mesurées au sol par des mesures satellitaires. C'est-à-dire on essaye de voir à partir de satellites qui de toute façon sont là autour de la Terre, si on peut estimer d'une façon ou d'une autre la quantité de pluie, la quantité de neige, le débit des rivières, des choses comme ça, par des mesures externes. Là, il y a notamment une mission qui est développée par le CNES qui s'appelle SWOT. SWOT, c'est Surface Water Ocean Topography. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette mission? Cette mission donnera justement un peu la répartition des stocks d'eau sur Terre. Il y a une première mission qui a été mise au point par la NASA, qui s'appelait GRACE, qui mesure tout simplement la gravité à l'altitude des satellites au-dessus de la Terre. Or, plus la Terre est lourde, plus la gravité est importante. Donc, si une Terre devient mouillée ou reçoit de l'eau, eh bien, elle devient plus lourde. Donc, par le poids de la Terre, on arrive à distinguer... Mais c'est incroyable, ça, parce que c'est quand même des variations qui doivent être extrêmement faibles. Voilà. C'est une mesure extrêmement compliquée à faire. Hein. C'est des satellites qui ne font que mesurer que le champ de gravité. Hein. Alors, ce sont deux satellites distants de quelques kilomètres, je crois, qui sont capables de détecter ça avec une précision importante, mais à des échelles spatiales un peu inopportunes, c'est-à-dire que la maille de mesure, c'est environ 300 km. Alors on n'a pas la pluie à Trifouille-les-Oies, hein, on n'a ni la pluie à Paris, on a des pluies sur le quart de la France pour chacune des mesures. Donc SWOT s'adresse à ce même problème et essaye de faire ça de façon plus précise et à une échelle inférieure pour avoir une vue plus précise de la quantité d'eau. Et puis il mesure aussi d'autres paramètres. Comme on peut mesurer, par exemple, avec des satellites, la température des nuages. Et la température des nuages donne une indication de la quantité d'eau qui tombe en pluie. C'est très imprécis, mais ça permet d'améliorer. Donc on a des mesures imprécises satellitaires qui permettent de renforcer le cycle. Mais est-ce qu'on est capable de dire si, oui ou non, la quantité d'eau présente sur Terre, aussi bien dans les sols qu'à sa surface ou bien dans l'atmosphère, varie au cours du temps? Oui, ça, on a une question qu'on sait. Ça, c'est une... Alors elle varie ou pas? Alors, non, elle varie pratiquement pas. Donc la quantité d'eau sur Terre, en première approximation, on peut dire, elle est constante. Donc on a aujourd'hui autant d'eau qu'on avait il y a 4 milliards d'années ou 3 milliards d'années. Il y a une petite, disons, imperfection dans ce que je viens de vous raconter, c'est que dans la haute atmosphère, la molécule d'eau H2O est décomposée par la radiation solaire en hydrogène H2. Il y a des photons de haute énergie qui la cassent. Il y a des photons de haute énergie et ça découpe la molécule d'eau en deux parties, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène est lourd, il reste sur la planète. L'hydrogène n'est pas assez lourd pour être retenu par le champ de la gravité. Il s'en va. Et il s'en va. Alors, des physiciens qui ont travaillé ici en France, à Paris, à l'Observatoire, ont pu établir que depuis que la Terre existe, c'est-à-dire depuis 4,5 milliards d'années, la quantité d'eau qui a été perdue par ce mécanisme est équivalente à un mètre d'eau si on avait un océan unique sur toute la planète. Si on avait un océan unique, si la Terre était parfaitement sphérique, eh bien, l'océan unique aurait une profondeur de à peu près 3 kilomètres. Donc, en 4 milliards d'années, on a perdu un mètre sur 3 kilomètres d'eau que nous avons. Donc, c'est rien. Mais je crois... Mais il y a quand même une perte. Une perte lente. Il n'y a pas d'augmentation. Jamais d'augmentation. Si on reçoit des comètes. Les comètes fondent leur eau, elles restent sur Terre. Donc ça arrive, ça. Donc globalement, ça doit être à peu près constant. Mais si vous voulez, on explique le fait que la planète Mars, qui est une planète aujourd'hui très pauvre en eau, mais dont on voit, en examinant à sa surface, qu'il y a eu des vallées, donc des fleuves qui ont coulé, eh ben on explique la perte d'eau de Mars par ce mécanisme-là. Parce que la gravité de Mars est plus faible, donc le flux d'hydrogène décomposé de l'eau par la radiation solaire doit être plus important, et c'est probablement pour ça qu'il n'y a plus d'eau sur Mars. Donc ça veut dire que si un fleuve s'assèche, par exemple, ça n'est pas parce que l'eau a disparu, elle se trouve ailleurs. Alors, un fleuve va s'assécher essentiellement parce qu'il ne pleut pas. Il y a des fleuves qui s'assèchent parce qu'on prélève trop d'eau pour l'utiliser, pour irriguer, pour tous les besoins humains. Il y en a un en particulier qui est le fleuve jaune, en Chine, mais qui sert à l'irrigation de toutes les rizières du nord de la Chine. Donc il y a des années où le fleuve jaune n'a pas coulé à l'exutoire pendant 450 jours. Donc un assèchement pratiquement total sur plus d'un an. Vous avez en Australie une rivière qui s'appelle le Murray Darling. Et le Murray Darling, c'est la même chose. Il y a tellement de prélèvements pour l'irrigation que parfois elle ne coule plus à la mer et les Australiens ont pris des mesures assez sévères pour corriger ça et éviter qu'on prenne trop dans l'eau dans le milieu. Mais sinon, les sécheresses, je dirais naturelles entre guillemets, sont dues au fait que la variabilité des précipitations est énorme. Il y a des jours ou des années où il pleut très peu, et à ce moment-là, il n'y a pas assez d'eau, et le fleuve ne coule plus. Mais est-ce qu'on va dire que l'eau est constante en quantité sur la Terre, mais qu'elle se déplace? Il y a des zones où elle n'était plus, elle n'est plus aussi accessible. Elle se déplace du fait que les précipitations changent. C'est pas que l'eau bouge, mais c'est l'eau est toujours en train de bouger. Elle se déplace par le cycle que je viens d'expliquer, c'est-à-dire évaporation, condensation par les nuages et précipitation. Alors, si le changement climatique, pour répondre à une question que vous m'avez pas posée, mais que vous allez me poser, je suppose. C'est dans la suite. Qu'est-ce qui se passe? Le changement climatique, pour l'instant, on considère qu'il va déplacer un peu les zones climatiques. Si je schématise un peu la répartition des précipitations à la surface de la Terre, vous avez, si je pars des pôles, vous avez une zone qui est très peu arrosée. Les pôles sont ce qu'on appelle les déserts froids. Il pleut beaucoup, beaucoup moins qu'ici. Ensuite, on arrive dans la zone qu'on appelle la zone tempérée, où, pour vous donner un ordre de grandeur, il pleut à peu près 700 mm par an. C'est là où nous sommes, 700, 800, 1000, un peu plus sur les montagnes. Et puis, on commence à arriver dans les zones sèches. On arrive dans la zone méditerranéenne. On arrive au Sahara, ce qu'on appelle la désert chaud. Et là, il pleut pratiquement pas du tout. Et puis, dernière zone, c'est l'équateur et les tropiques, où il pleut beaucoup. C'est là où il pleut plus, les zones tropicales équatoriales. Alors, le changement climatique, et c'est un peu le déplacement de l'eau dont vous me parlez, dit que ces différentes zones circulaires autour de la planète que je viens de décrire vont se déplacer vers les pôles. Ce qui veut dire que si je pars de l'équateur, par exemple, la zone équatoriale tropicale où il pleut beaucoup va se déplacer chez nous, dans les hémisphères, vers le nord, c'est-à-dire qu'au Sahara, il devrait pleuvoir plus qu'aujourd'hui. En revanche, la zone sèche saharienne, elle se déplace vers le nord, donc l'Algérie du Nord va souffrir, et l'Europe du Sud aussi. Donc, ce que disent les calculs des météorologues, c'est que nous allons souffrir de manque d'eau dans la partie sud de la France, au moins. Ensuite, en revanche, toute la partie tempérée va se déplacer vers le nord, donc il va pleuvoir plus dans les parties nord de l'Europe, Scandinavie... Où il pleut déjà pas mal. Donc, c'est un peu riche, c'est un peu ce qu'on dit, il pleut là où c'est mouillé. Hein. Le changement climatique, ça va faire plus sec là où c'est sec, et plus humide là où il faisait humide, mis à part une petite migration de l'humidité vers le sud du Sahara. Alors, j'ai lu quelque part, Guylaine Marsili, que quand une molécule d'eau s'évapore, elle retombe en moyenne 9 jours plus tard à environ 1000 km de son point de départ. Exact, oui. Donc elle s'évapore depuis la mer, essentiellement de l'océan, elle retombe dans la plupart des cas dans l'océan. Bien sûr. Le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, qui était de 113 000 km3 par an, c'est les précipitations. Sur les sols. Sur les sols. Hein. Mais sur les océans, c'est pas 113, c'est 450 000 km3 d'eau qui retombent sur les océans. Hein. Donc effectivement, il pleut énormément sur les océans, mais les océans, c'est aussi trois fois la surface des continents. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait plus d'eau qui arrive là-dessus. Je vous propose, Guylaine Marsili, qu'on quitte la Terre quelques minutes pour aller sur la Lune. Oui. Écoutez Clair de Lune, morceau de Claude Debussy que vous avez choisi. J'ai cru comprendre que vous aviez une passion pour Claude Debussy. J'aime bien la musique et j'aime bien Debussy parce que ma mère jouait du Debussy quand j'étais jeune et j'ai les airs de Debussy en mémoire. Et je trouve que c'est un compositeur qui a fortement innové par rapport au précédent et qui reste un compositeur important aujourd'hui encore. Écoutons-le. Guylaine Marsili, Clair de Lune de Claude Debussy, vous nous avez dit les raisons de ce choix. Je vous sens un peu ému. Oui, en fait, je voulais faire écouter La Goutte d'eau, qui était un titre qui aurait été plus pertinent pour l'émission. Fort à propos. Plus à propos. Et bon, ben, on n'a pas trouvé, et puis on a pris les Clair de Lune, que j'aime beaucoup. Alors, ceux qui pratiquent randonnée en montagne ou l'alpinisme remarquent que les glaciers fondent entre montagnes. Donc les débits des grands fleuves alpins ou dans l'Himalaya ont tendance à augmenter. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque les glaciers auront eux-mêmes disparu? Alors, les glaciers vont disparaître, au début en tout cas, principalement dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. C'est là où les glaciers sont petits, peu épais, pas très hauts parce que la cordillère n'est pas très élevée. Et ceux-là sont condamnés à très court terme, hein, c'est-à-dire 20-30 ans. Hein, il n'y aura plus de glaciers en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est très grave, parce que une ville comme La Paz, en Bolivie, elle est alimentée par la fusion des glaciers qui amène, c'est une zone assez aride, qui amène de l'eau dans les rivières que utilisent les Boliviens pour s'alimenter en eau. Alors, quand il n'y aura plus de glaciers, eh ben, ils vont souffrir. L'eau va tomber directement en bas sans être stockée sous forme de glace. Voilà, elle va tomber. Il continuera à neiger ou pleuvoir sur la cordillère des Andes, mais l'eau coulera tout de suite dans les rivières et il n'y aura pas de stockage que constituer la glace dans les montagnes. Donc, comment on va faire? Probablement qu'il faudra construire des barrages pour stocker de l'eau de l'hiver et l'amener aux habitants de... Est-ce que c'est prévu? Est-ce que les gens ont... À ma connaissance, non. On n'en parle pas assez. Les gens le savent. Mais si vous voulez, il y a d'autres problèmes peut-être plus urgents en Bolivie que s'occuper de ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Donc, on ne fait rien. Le problème de l'eau dans beaucoup de pays, c'est ça. C'est qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes, mais on ne fait rien. On sait ce qui va se passer, mais on n'a pas les moyens de prévenir. Voilà. On est une sorte de conscience malheureuse, alors. Ben, c'est l'histoire des gilets jaunes. Hein. Moi, je m'intéresse à la fin du mois et je m'intéresse pas à la fin du monde. Hein. Donc, les gens disent, aujourd'hui, il faut qu'on bouffe, puis le reste, on verra après. Alors, les physiciens parlent de particules virtuelles. À l'Académie, vous devez les entendre. Vous, vous parlez, Guillaume Marcilly, d'eau virtuelle. Qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien de physique. Là, il faut rentrer un peu dans le détail. Je me suis beaucoup intéressé à un pays qui s'appelle la Tunisie. Tunisie se trouve au nord de la zone aride. Il pleut peu en Tunisie. Il pleut 500 mm, alors que nous sommes à 700-800 ici. Bourguiba, quand il a pris le pouvoir, il a dit aux Tunisiens, il faut absolument régler le nombre de naissances dans notre pays, parce que nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays aride, on ne pourra pas nourrir des millions d'habitants. Donc il faut absolument prendre cette considération géographique en compte et ne pas dépasser quelques millions d'habitants en Tunisie. Alors c'est pas ça qui s'est passé, il a été novateur, il a été pilote de ces problèmes de libération de la femme, de contraception, etc. Mais ça n'a pas suffi. Alors, jusqu'aux années 80, la Tunisie était en dessous de 6 millions d'habitants. Avec l'agriculture locale, eh ben, ils arrivaient à se nourrir. Donc ils mangeaient du couscous, du blé, des olives, du mouton, etc. Ça allait bien. Et puis, maintenant ils sont à peu près 10-11 millions. Donc il n'y a pas moyen de nourrir 11 millions de Tunisiens aujourd'hui avec la pluie qui a tendance à se réduire à cause du changement climatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est là qu'on a introduit la notion d'eau virtuelle. On importe de quoi manger, hein, c'est pas compliqué. Les Tunisiens veulent bien qu'ils mangent. Donc ils achètent du blé, ils achètent de l'orge, ils achètent peut-être un petit peu de produits animaux, hein, et ils consomment avec ça. Aujourd'hui, en Tunisie, entre 30 et 40% de la nourriture nécessaire à la vie des Tunisiens est importée. Donc l'eau virtuelle, c'est l'eau qu'il a fallu utiliser pour produire ces éléments qu'on importe. Absolument, vous avez tout compris. Donc on ne vit pas l'eau qu'on consomme sous forme solide, essentiellement. On pourrait, par exemple, si vous importez du pinard, ben, elle est quand même liquide, votre eau. Hein. Donc non, c'est toute l'eau qui a été utilisée pour produire un aliment. Alors naturellement, dans un pays où il pleut, on n'importe pas de blé du Sahara, on apporte de blé d'Europe, des États-Unis, du Canada, etc. Donc tous les pays qui sont riches en eau et qui peuvent produire avec leur agriculture intensive, soit pluviale, soit irriguée, de la nourriture en excès par rapport à leurs propres besoins, ils le vendent sur les marchés internationaux. Alors, quels sont les pays qui importent le plus d'eau virtuelle? C'est essentiellement le Golfe Persique, hein, l'Arabie Saoudite. Et on a fait quelques essais d'aller chercher de l'eau en profondeur pour irriguer du riz en Arabie Saoudite. Ça coûte une fortune, et puis ça n'est rien du tout. Donc l'Arabie Saoudite, ou plus près de nous, Djibouti. Djibouti, et on importe 95% de la nourriture qu'on consomme sous forme qu'on appelle eau virtuelle. Alors quel est l'état, dans des pays modernes ou dans d'autres qui sont moins développés, des réseaux d'approvisionnement en eau? En eau, j'ai vu que la ville de Rome, par exemple, a des pertes en ligne qui sont colossales, de 44%, même 50%. Exact. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut améliorer? Oui. Alors, si vous voulez, je voudrais, avant de vous répondre directement, faire peut-être une parenthèse sur combien d'eau nous consommons, nous les hommes. Hein. Alors, on a l'impression que l'eau que nous consommons, c'est celle qui est amenée par les conduites dont vous parlez, celles de Rome qui sont fuyardes. Ça, c'est très peu. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous consommons en moyenne, en France, 150 litres par jour et par habitant d'eau qu'on appelle domestique. C'est-à-dire, ça comprend l'eau de boisson, l'eau de la lessive, l'eau des douches, de l'entretien, l'hygiène, etc. 150 litres. Pour manger, nous avons besoin d'eau non seulement d'eau virtuelle, mais d'eau tout simplement verte ou bleue que nous utilisons chez nous pour faire pousser de la nourriture. Donc, toute l'agriculture irriguée en France, c'est avec de l'eau bleue. Toute l'agriculture pluviale en France, c'est avec de l'eau verte. Hein. Et cette quantité d'eau-là, c'est de l'ordre de 1700 mètres cubes par an. Par an, donc à diviser par 365 jours. Ça fait à peu près quelques mètres cubes par an. L'eau pour se nourrir, c'est quelques pourcents de l'eau totale dont nous avons besoin. L'essentiel de notre consommation en eau, c'est l'eau pour faire pousser la nourriture que nous mangeons. Alors, on la décompose en deux types de nourriture. Les produits végétaux, c'est-à-dire le blé, les légumes, les fruits, etc., qui consomment peu d'eau. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour produire un kilo de blé, il faut 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau pour 8 kilos de blé. En revanche, ce qui consomme beaucoup d'eau en matière alimentaire, c'est les produits animaux. Je prends un exemple, si vous prenez un steak, pour produire un kilo de steak, il faut 13 000 litres d'eau, alors qu'il fallait 1000 litres pour faire un kilo. 13 fois plus. 13 fois plus. Pourquoi ? C'est pas parce que le pauvre bœuf boit beaucoup, mais non. C'est l'eau qui a servi à produire la nourriture végétale que le bœuf va manger, c'est-à-dire le maïs, le grain, l'herbe, etc. C'est ça qui est consommé par le bœuf. Et vous donnez 100 grammes ou 1 kilo de blé à un bœuf, il va pas transformer ça en 1 kilo de viande. Il va faire 70 grammes de viande au mieux. Donc il y a une perte en ligne, si vous voulez, entre la quantité de nourriture végétale consommée par l'animal et la nourriture animale, que ce soit du lait, du sang ou de la viande, produite par l'animal. J'ai dit dans le chapeau introductif que la consommation d'eau augmente pour des raisons d'augmentation de la population, mais aussi à cause de l'évolution de nos régimes alimentaires. Est-ce que c'est ça qui entre en ligne de compte ? C'est les deux faits. Je repense l'exemple tunisien. En 1960, un Tunisien consommait pour 600 mètres cubes d'eau par an, parce qu'il mangeait très peu de viande, beaucoup plus de couscous, et un peu d'huile et un peu de fruits. Aujourd'hui, un Tunisien consomme pour 1400 mètres cubes d'eau par an. C'est-à-dire qu'il a plus de doublé la quantité d'eau nécessaire pour produire la nourriture dont il a besoin par changement de modes alimentaires. Il mange plus de viande en principe. Donc on entend beaucoup parler en ce moment de ces histoires qu'il faut manger moins de viande parce que le problème de l'eau, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on mangera de la viande ou est-ce qu'on n'en mangera pas ? Alors par exemple, les Chinois, ils sont aujourd'hui à peu près à 800 mètres cubes d'eau par an et par habitant, hein, alors que les Tunisiens sont à 1400 et qu'ils étaient à 600. Les Chinois étaient à 600 au départ. Mais aujourd'hui, les Chinois sont riches. Donc ils achètent de la viande et ils mangent de la viande. Donc la consommation d'eau pour nourrir la planète est en train d'augmenter à toute vitesse à cause de ce changement des habitudes alimentaires et aussi du fait que la démographie sur Terre n'est pas stabilisée, elle augmente. Nous sommes actuellement 7 milliards à peu près. Nous serons en 2050 à peu près 9 milliards et demi. Et si on n'y met pas garde, nous risquons d'arriver à 12,4 milliards en 2100. Ça, c'est les prévisions des Nations Unies. Ce qui serait, à mon avis, une catastrophe. Alors, quand on vous écoute et qu'on cumule ce que vous venez de dire avec ce qu'on a dit sur le changement climatique, on s'aperçoit que l'avenir de l'eau pourrait être sombre. Ou plutôt que l'avenir de l'humanité, à cause de ces problèmes d'eau, pourrait être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Si on considère simplement comme première cause d'évolution le changement climatique, qu'est-ce qui va produire en termes d'évaporation, de densité d'eau dans l'atmosphère, est-ce que ça va augmenter les précipitations, vous l'avez dit, dans certaines zones en tout cas? Et est-ce que ça va avoir des effets sur la disponibilité de l'eau à la surface de la Terre? Alors, vous avez tout à fait raison, l'augmentation de la température augmente la teneur en eau de l'atmosphère, hein, donc l'air sera plus humide, le vent charriera plus d'humidité, et globalement, c'est-à-dire pour le globe entier, il pleuvra plus qu'avant. Donc globalement, le changement climatique ne veut pas dire qu'on aura moins d'eau, on en aura plus. Mais c'est la répartition de cette eau que je vous ai décrite tout à l'heure avec le déplacement des zones climatiques qui fait que toutes les zones, je dirais, de latitude méditerranéenne ou plus proche de l'équateur, vont avoir moins d'eau. Hein, d'où un problème de comment on va faire pour vivre avec moins d'eau. Hein. Alors, c'est là où intervient la notion d'eau virtuelle. Si on regarde ça d'un œil froid et on dit... Combien faut-il d'eau pour nourrir toute la planète ? On connaît les chiffres à peu près en fonction du régime alimentaire. Eh bien, la quantité d'eau qu'il faudra globalement pour nourrir la planète évoluera entre 10 et 12 kilomètres cubes par an. C'est rien. Je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure. 113 000 kilomètres cubes de pluie à la surface de la planète. Donc, il y a de l'eau. Il y aura toujours de l'eau sur cette planète. Et il y en aura plus parce qu'il pleut plus. Mais, effectivement, elle ne tombe pas là où on en aura besoin. Alors, il y a deux façons de faire. Soit Les gens se déplacent et viennent là où il pleut pour vivre. Hein. C'est ce que nous voyons avec les migrations, qui vont s'amplifier sans aucun doute. Hein. On ne peut pas continuer à penser que les gens vont rester chez eux. S'il ne pleut plus et qu'ils ne veulent plus manger, ils vont bouger. Hein. Et ils viendront là où il pleut. Deuxième solution, eh bien, on peut déplacer de l'eau avec des conduites ou des canaux. Hein. Alors, c'est ce que font les Chinois. Je vous ai parlé du problème de la Chine et du fleuve jaune qui se tarit en été, ou même parfois toute l'année. Eh bien, les Chinois ont pris le taureau par les cornes et ils construisent deux canaux de 1000 km chacun pour amener de l'eau du fleuve Yangtze, qui est un fleuve alimenté par la fusion des glaces de l'Himalaya et qui a beaucoup d'eau. Hein. Et ils veulent amener cette eau au nord de la Chine qui manque d'eau. Donc, on peut déplacer de l'eau. C'est des travaux pharaoniques, mais que les Chinois ont lancé et décidé de faire. Ou bien, troisième mouvement, ben, on déplace de l'eau virtuelle. C'est-à-dire qu'on fait produire dans les pays où il pleut de la nourriture en excès que l'on va apporter aux pays où il manque de nourriture. Mais encore faut-il, pour que ça puisse fonctionner, que les gens qui achètent cette nourriture aient de quoi la payer. Il faut donc qu'ils aient une production économique pour acheter cette nourriture. On a parlé de la Tunisie. Comment la Tunisie fait-elle pour importer 30% de la nourriture qu'elle consomme? Qu'est-ce qu'elle peut vendre, la Tunisie? Elle vend du tourisme. Donc, quand vous allez en Tunisie, vous les aidez à manger. Elle peut bénéficier des retours de la diaspora tunisienne, c'est-à-dire tous les Tunisiens qui habitent en Europe ou ailleurs et qui travaillent et puis qui renvoient un peu d'argent dans leur pays, permettent de faire ces achats. Ou elle peut vendre quelques produits, elle n'a pas de pétrole. Elle peut vendre un peu de phosphate, elle peut vendre quelques minerais et puis elle peut utiliser ou ouvrir des usines textiles, ce qu'elles font. Donc il faut que les activités économiques se développent pour pouvoir acheter cette nourriture. Et si vous ne produisez rien et vous n'avez pas rien à vendre, ben vous allez crever de faim. Ça, alors, c'est important. Hein. Alors, il y a les trois phénomènes dont vous parlez, les trois, disons, solutions, mais si on pense à l'aménagement de dispositifs permettant la circulation de l'eau sur des grandes distances, ça a des effets sur l'environnement. Si vous voulez, entre deux mots, il faut considérer le pire. Je pense que le mal maximum, c'est si on crève de faim, si on meurt de faim physiquement. Hein, les famines, c'est épouvantable. Alors, on peut essayer d'augmenter la production agricole locale. Pour ça, il faut en général irriguer. Donc, je prends un exemple au Burkina. Je connais bien le Burkina, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina, il pleut plus qu'à Paris. Il pleut plus là-bas qu'ici. Mais tout tombe en 3 mois. Donc, vous avez 9 mois de sécheresse. Si vous ne stockez pas d'eau, et si vous ne pouvez pas utiliser cette eau stockée pour irriguer, ben vous ne produisez pas assez. Donc, il y a nécessairement un problème d'aménagement qui consiste à veut-on construire des retenues et veut-on construire des canaux d'irrigation pour amener cette eau là où on peut faire de la culture. Oui, vous avez raison, ça a un effet écologique qui n'est pas favorable. Hein. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut manger ou est-ce qu'on veut avoir un écosystème en bon état, hein? Alors l'alternative qui est de dire eh ben on va pas construire des barrages et on va pas irriguer, c'est qu'on va faire de l'agriculture pluviale. Et ça sera de l'eau virtuelle. Il y a des endroits, je vous les ai décrits, toute la zone tropicale équatoriale, il pleut beaucoup. Donc là, on n'a pas besoin d'irriguer. On peut faire pousser du blé, on peut faire pousser du maïs, on peut faire pousser du soja, on peut faire pousser du jastrophe pour faire de l'énergie, dans ces zones-là. Seulement, dans ces zones où il pleut, ben, il pousse quelque chose. Il pousse quoi? Les forêts naturelles. Donc si on veut se nourrir sans faire de barrage, il y a une alternative qui est de dire on va défricher la forêt naturelle et on ne pourra planter sur ces sols-là du blé, de l'orge ou du soja. On peut aussi vouloir augmenter les rendements. On peut aussi vouloir augmenter les rendements. Ça c'est, je dirais, sans douleur. Hein. Augmenter les rendements, il faut quand même mettre quelques engrais et peut-être quelques pesticides ou utiliser quelques OGM. Donc il y aura toujours des gens qui vont râler. Mais si vous voulez, il y a pas de repas gratuit. Hein. Ou bien il faut irriguer, ou bien il faut défricher et utiliser des zones où il pleut. Et il faut augmenter les rendements, c'est-à-dire, effectivement, en tout cas, augmenter... Mais Guillaume Marcillat, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une situation presque critique? Puisque j'ai lu dans l'un de vos articles qu'il y a à peu près 20 ans, on avait 10 mois de stock de consommation à l'échelle de la planète pour la nourriture et qu'aujourd'hui, on n'a plus que 2 mois. Oui, c'est un vrai, vous avez raison, vous émettez le bois, c'est un vrai problème. Pour l'instant, les grandes famines dont on parle depuis la Bible, hein, les années de vaches magres et les années de vaches grasses, elles sont récurrentes, c'est-à-dire qu'on a des années exceptionnelles où il pleut presque pas. Alors, c'est souvent lié aux événements qu'on appelle El Niño. Et les événements El Niño, c'est l'événement climatique qui fait que les vents et les nuages se déplacent de façon différente, surtout dans l'hémisphère sud. Mais les années El Niño extrêmement intenses, eh bien, il y a des déficits pluviométriques énormes. Et celui dont je me souviens, c'est celui, enfin, j'étais pas né, mais j'en ai lu, c'est 1876-1879, qui a conduit la Chine, l'Inde, l'Éthiopie et le Brésil à des catastrophes alimentaires avec famine et des, entre 30 et 60 millions de gens qui sont morts de faim. 30 ou 60 millions, hein. Ça s'est produit deux fois au 19e siècle. 1876 et 1896. Ça, c'est un risque que nous mesurons mal, mais à mon sens, qui est extrêmement prégnant, dans la mesure où ces événements exceptionnels de deux siècles en avant, le 19e siècle, se produisaient en moyenne deux fois par siècle. Donc je vous ai donné les années au 19e siècle. Au 20e siècle, ils se sont produits dans les années 40, et ils se sont produits dans les années 98. 98, c'est récent. En 40... Bon, tout le monde s'en foutait, on avait autre chose. On s'entretuait ici, partout dans le monde, donc la sécheresse et la famine en plus, c'était un détail. Hein. Donc on n'a rien fait. En revanche, en 98, ça a frappé l'Indonésie et la Chine, et l'Indonésie et la Chine avaient des stocks, et ils ont importé sur les marchés mondiaux des quantités phénoménales de grains pour nourrir tout le monde. Donc il n'y a pas eu de mort. Hein. Mais si l'aggravation du climat avec des événements El Niño plus fréquents ou plus intenses se produisait, nous pouvons très bien avoir des famines auxquels on n'a pas pensé depuis deux siècles. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors vous dites, et ça vous avez raison, si on est précautionneux, eh ben on pourrait stocker de la nourriture et au moins pouvoir passer des épisodes climatiques extrêmes en mangeant dans nos stocks, au lieu d'essayer de stocker de l'eau pour pouvoir irriguer les années où il ne pleut pas. Alors les seuls qui sont assez intelligents pour avoir compris ça, c'est les Chinois. Et les Chinois ont décidé de créer des stocks de nourriture de 20 milliards de dollars, 20 milliards de dollars en Chine pour faire face à toute pénurie climatique qui ferait qu'il y aurait de nouvelles famines en Chine. Le reste du monde s'en fout. Le reste du monde s'en fout. Les Nations Unies, en particulier la FAO, c'est-à-dire l'Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation, hein, dont le siège est à Rome, dit non, ça n'arrivera pas, non, non. Oh, il peut pas pleuvoir ici, mais il pleuvra plus là, donc ça se compense. Donc personne, actuellement, à part les Chinois, n'ont pris conscience du fait que nous risquons des années de pénurie qui pourraient conduire à des famines catastrophiques. Là, c'est bien de ce que les famines nous apparaissent comme des épisodes très lointains dans le passé qui n'ont pas de probabilité de se reproduire, peut-être. Mais oui, mais si vous voulez, moi je vous ai dit, c'est deux fois par siècle, les événements El Niño très intenses, tels que nous les connaissons. Ce deux fois par siècle, il provient d'un travail de l'Institut de Recherche sur le Développement, l'IRD, en Amérique du Sud. Ils ont fait l'inventaire sur tous les registres paroissiaux des événements climatiques extrêmes qui étaient quand même notés dans les tables d'état civil, etc. Cette année, il y a eu une sécheresse particulière, tous les enfants sont morts, des choses comme ça. Donc on peut reconstituer à partir des registres paroissiaux en Amérique du Sud les phases d'El Niño qui se sont produites dans le passé. Et c'est là qu'on est arrivé à la conclusion que dans le climat ancien, je dis pas dans le climat nouveau, dans le climat ancien, c'était deux fois par siècle ces événements-là. Deux fois par siècle, ça ne veut pas dire que ça se reproduit deux fois tous les siècles, hein, c'est en moyenne. Alors actuellement, on sait par les climatologues que les événements El Niño devraient devenir plus fréquents et plus intenses. Mais ce n'est pas prouvé, et on ne sait pas avec l'augmentation de la fréquence ce qui va se passer. Donc ça, c'était une grande inconnue. Hein. Vous parlez également, Guylaine Marcy, des conflits, et vous jetez sur un conflit récent, un génocide même, celui de Rwanda en 1994, un regard qui montre que ça n'est pas un conflit ethnique, religieux ou culturel qui est l'amorce fondamentale de ce génocide, mais plutôt des causes climatiques. Oui, au Rwanda, là vous avez raison, hein, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, et ça m'effraie encore plus, sachant que, comme je vous l'ai dit, la démographie va augmenter à l'échelle de la planète, et le continent en pleine croissance démographique aujourd'hui, c'est l'Afrique. Or, vous parlez effectivement des événements du Rwanda. Rwanda, de mémoire, c'était les années 1994. Alors, c'est pas un changement climatique, Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, ça avait été prévu par des agronomes belges. C'est que le Rwanda est un pays petit. Il pleut beaucoup, c'est un peu la Suisse. Hein, c'est un pays riche. Il y a beaucoup d'agriculture. Mais les méthodes culturales, un peu ancestrales, étaient incapables, ou sont devenues incapables, avec l'augmentation de la population, de nourrir tout le monde. Et plus précisément, ces agronomes belges des années qui ont écrit ça en 1960 à peu près, 60-70, ils ont dit la croissance de la population fait que on mange moins bien en Rwanda, on mange moins bien qu'on mangeait en 1960. Donc ils avaient la quantité totale de nourriture disponible pour la population avait diminué par tête de pipe. En total, elle avait augmenté puisqu'ils étaient plus nombreux, mais on mangeait moins bien. Et il a dit on court la catastrophe. Alors rien n'a été fait. Et effectivement, il y a eu une année un petit peu plus sèche et les gens sont vus qu'ils pouvaient plus manger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont entretués. Alors, ils se sont entretués. Il y a eu des problèmes politiques. Il y avait des conflits traditionnels ancestraux entre les Tutsis qui sont les éleveurs et les Hutus qui sont les agriculteurs. Hein. Et bon, les Tutsis étaient un peu le haut du panier. C'est eux qui dirigeaient l'administration du Rwanda. Et bon, ils ont été éliminés physiquement en 9 mois, à peu près. Il y a eu, ou en 8 mois, il y a eu 900 000 personnes égorgées à la main, à la machette. C'est pas des conflits avec des mitraillettes, c'est égorger des populations, des voisins qui s'entretuaient dans les mêmes villes. C'est l'horreur. Alors, c'est pas une histoire de famine liée à un climat, c'est une diminution des ressources alimentaires qui s'est traduite par un massacre. Mais si vous voulez, on peut penser que si une histoire climatique, cette fois-ci entièrement sur le manque d'eau, venait à faire qu'un pays n'avait plus assez de nourriture pour se nourrir, et si les stocks mondiaux ne pouvaient pas apporter la nourriture nécessaire sous forme d'eau virtuelle, eh ben on pourrait avoir les mêmes mécanismes. L'Afrique est un continent violent, vous le savez. C'est ce qui se passait au Kenya il y a quelques jours. Mais ce que vous dites là, Guylaine Marcilly, laisse penser qu'il va falloir agir et prendre la mesure du problème et s'adapter par toutes sortes de moyens, y compris techniques, à ces évolutions. Quelles sont, à votre avis, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, les grandes priorités que vous voyez se dessiner? Alors, d'abord, et en particulier pour l'Afrique, je pense que c'est les Africains qui doivent prendre conscience des problèmes et apporter eux-mêmes les solutions qu'ils y voient. Nous n'avons pas de leçons à donner aux Africains la façon dont ils doivent faire fonctionner leur société et modifier leur technologie, améliorer leur rendement, réduire leur population par des contraintes de planification familiale, etc. C'est des problèmes que les gens doivent comprendre et agir à leur façon. On n'a pas la science infuse pour dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Pour moi, effectivement, mais c'est un conseil, c'est pas une recommandation, c'est que les gens prennent conscience du fait que la croissance démographique est insupportable, et qu'on n'arrivera pas à avoir un continent équilibré et pacifique avec une croissance démographique aussi importante que celle qu'il y a. La deuxième, c'est que il faut produire plus de nourriture, donc il faut soit irriguer avec des constructions de barrages à la clé, dont on a vu qu'ils ont, et je ne les lis pas, j'approuve, ils ont des conséquences écologiques extrêmement perverses et dommageables à la biodiversité, ou alors il faut défricher, ce qui est encore pire. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est économiser et ne pas gaspiller. Actuellement, aujourd'hui, dans les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur Terre, une grande quantité de nourriture est gaspillée. Nous, Européens, qui sommes des pays riches, nous gaspillons 30% de la nourriture que nous achetons. Et la nourriture non achetée qui est jetée parce qu'elle est considérée de mauvaise qualité, c'est dramatique. Donc on peut, ça c'est la première chose à faire, économiser la nourriture, ne pas l'acheter. Apprendre aux enfants qu'on ne jette pas la nourriture, c'est essentiel. Moi, j'ai eu une petite amie de ma petite fille qui avait 5 ans, qui est venue à la maison et qui voulait un yaourt. Elle a goûté le yaourt avec son doigt. Elle a dit « Ah, j'aime pas !» et l'a jeté à la poubelle. Enfin, on ne jette pas de la nourriture. Et ça, personne. Moi, je suis né avant la guerre. Donc, je sais que pendant la guerre, on raclait nos assiettes et on terminait pour tout manger. Cette éducation à faire des jeunes populations, on ne jette pas de la nourriture, on ne jette pas une croûte de pain, on économise la nourriture, c'est quelque chose qui est indispensable. Et si ça se fait aujourd'hui en France, ça libère de la nourriture qui peut aller ailleurs. Merci Guylaine Marcilly, ça sera le mot de la fin. En vous écoutant, je comprends mieux une autre phrase de Gaston Bachelard que je citais dans mon chapeau. Bachelard a écrit « L'eau est l'organe du monde ». C'est une phrase pour vous. C'est joli. Et puis j'ai trouvé un proverbe chinois qui illustre ce que vous venez de dire aussi. Il faut boire l'eau en pensant à sa source. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Audodibio pour le temps des écrivains.